Ici Pascal Cloutier, maire. La période des fêtes est le moment propice pour vivre de doux moments avec ceux qu'on aime et aller vers l'autre généreusement. Je vous encourage aussi à faire vos achats localement pour supporter votre collectivité et son économie. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi pour vous souhaiter joyeux Noël et une bonne année 2018. Ici Stéphanie Ouellet. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de Savard Perron Ouellet Notaire tient à souhaiter à sa fidèle clientèle un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année dans des moments marquants de votre vie. Au cours de la nouvelle année, les notaires Cathy Savard, Jonathan Perron et moi-même Stéphanie Ouellet se feront un plaisir de vous accueillir dans leur tout nouveau bureau situé dans les condos de Place du Marché Wahlberg. Joyeuses fêtes à tous! Le site touristique de la Chute à l'eau vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealour.com. Ça a fait la nouvelle pas mal à LCN. Ça a fait la nouvelle pratiquement partout dans le Québec. L'histoire qui s'est passée vendredi soir dans le match entre le MJR Express de Jonquière et l'équipe de la Haute-Côte-Nord. Et évidemment, c'est des scènes désolantes, c'est des scènes je pense que beaucoup de monde ont vues. On va parler avec le directeur général de la Ligue du Lac-au-Feu, Mathieu Garon. Bonjour Mathieu. Salut Danny. Mathieu, à quelque part, c'était très prévisible ce qui s'est passé vendredi. Moi, je me rappelle, j'ai fait une entrevue jeudi avec Philippe Gauthier. C'était pas très. C'était pas une entrevue tellement joyeuse parce que je me doutais fort bien ce qui allait arriver. On aurait dit qu'il venait d'accueillir Connor McDavid. Là. Enfin, c'était prévisible. Est-ce que la Ligue a pensé intervenir? Dans la situation qui s'est passée là, on peut dire que la transaction ou on peut dire que l'acquisition que Haute-Côte-Nord ont faite pour ce match-là a eu aucune incidence en tant que tel sur qu'est-ce qui s'est passé en tant que tel. Si on relève à peu près les faits, ok, du début, c'est Haute-Côte-Nord, on voulait aller chercher des joueurs, oui. Des hommes forts pour pouvoir affronter Jonquière. Haute-Côte-Nord, là, ils n'avaient pas d'hommes forts dans leur équipe. Fait que quand Jonquière venait jouer, ben il arrivait avec un alignement de trois toughs. Ben eux autres, Haute-Côte-Nord, ils ont dit, ben on va avoir trois toughs. Donc ils sont allés les chercher. Mais c'était tout simplement pour qu'il y ait un spectacle entre les hommes forts, seulement ça. En première période, les hommes forts de Jonquière embarquaient sa glace. Les gars de Haute-Côte-Nord embarquaient sa glace. Mais Jonquière avait l'air de plus niaiser que d'autres choses. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça a plus provoqué, on pourrait dire, la frustration un peu dans les estrades des partisans parce qu'on voyait que Jonquière embarquait pas dans le game à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ça que on pourrait dire, c'est ça qui s'est passé. Les gars, les trois gars qui étaient d'alignement, c'est des gars qui embarquaient seulement les hommes forts de Jonquière étaient là. Ils ont pas fait de débordement rien. C'était des gentlemen. Et honnêtement, là, ces hommes forts-là n'avaient aucune chose à voir là-dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, es-tu d'accord avec moi quand même? Tout le monde l'a vu le post là, la semaine passée. Là. Es-tu d'accord avec moi que c'était quasiment une déclaration de guerre à quelque part là? Ben, faut le voir, on peut le voir de n'importe quelle façon. C'est, comme on dit, si ça vient à brasser, parce que la partie que Haute-Côte-Nord avait joué à Jonquière, il y a eu quelques incidents au niveau du gardien de but d'Haute-Côte-Nord. Il y a des joueurs de Jonquière qui avaient fait un peu d'obstruction sur le gardien de but de Haute-Côte-Nord. Il y avait des joueurs qui avaient provoqué Haute-Côte-Nord. Jonquière, les partisans de Jonquière, certains disaient que Haute-Côte-Nord se présente pas de June. Ben, justement, ils n'avaient pas de June. Eux autres n'avaient pas, dans leur liste 40, ils n'ont pas d'homme fort. C'est pour ça qu'ils peuvent pas donner le show à Jonquière quand t'as pas de monde. C'est pas vrai que t'as des gars comme Félix François. Est-ce que c'est une nécessité? Moi, c'est la question que je me pose. Là. Dolbeau, ici à Dolbeau, là, on est jamais. Je n'y suis pas beaucoup parce que moi, je suis plus proche de Jonquière. Ça peut paraître bizarre, mais je suis à Dolbeau. Mais Dolbeau, ils n'en ont pas. C'est une très, très belle équipe. Il y a 6, 7, 800 personnes au match. Avec des beaux joueurs. Je pense qu'ils ont un joueur qu'on peut qualifier de goon. Est-ce que c'est une nécessité? Puis dans le sens que moi, j'ai vu ça comme une déclaration de guerre. On la connaît, la rivalité entre Jonquière et la Haute-Côte-Nord. T'es d'accord avec moi? Et je reviens à cette pause-là. c'était une déclaration de guerre. C'était pas plus ni moins, ni plus ni moins que ça. La question, est-ce que c'est une nécessité? Ben, pour avoir des hommes forts, moi, moi, j'ai aucun problème que des hommes forts se battent pendant un match contre d'autres hommes forts dans une équipe. Ça fait partie un peu de la Ligue senior. Ça fait partie de la game. Les partisans en demandent. Ils veulent en voir. Mais tant que c'est c'est entre personnes consentantes, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'aime pas, par contre, c'est les hommes forts qui vont s'attaquer aux bons joueurs. Ça, par contre, j'aime moins ça. Ça, c'est pas une nécessité. On n'a pas besoin de ça. Les bons joueurs, ils sont là pour pouvoir jouer au hockey. Il n'y a pas de problème. Des fois, là, une bagarre dans la partie, là, ça peut juste changer un peu de tempo de la game. Ça fait bien la chose. Par exemple, à Charlevoix, en fin de semaine, contre Dolbeau, c'était 3-0 ou 2-0 pour Charlevoix. Il y a une bagarre en Linden puis Dallaire du côté de Dolbeau et ça fait le spectacle. Par la suite, bang, Dolbeau, après le faisceau de la paix, fait ça, bang, ils ont scoré sur cette séquence-là. Des fois, ça peut venir juste changer un peu le tempo de la game, puis ça peut faire une différence. Moi, si on est une ligue senior de la façon qu'on l'a partie, je pense que on accepte ça sans problème. Mais comme je dis, les débordements comme qu'on a vu en fin de semaine, ou les attaques d'hommes forts sur les bons joueurs, ça c'est moi de mon côté, okay. J'accepte pas. Je vais te reposer la question différemment. Si la Haute-Côte-Nord signe pas ces 5 joueurs-là, qu'on a est-ce qu'on se parle d'aujourd'hui de cette façon-là? Probablement, je sais pas. Probablement? Je sais pas. Regardez, parce qu'en étant là. Moi, je te le répète, Danny. Je te le répète. Il s'est rien passé. L'incident qui s'est passé dans les estrades, il n'y a rien à voir avec les gars qui étaient là. Tu vois aucun gars, aucun des 5 gars qui au contraire ont signé, d'ailleurs, juste pour qu'ils ont joué, là, qui étaient impliqués dans les incidents qui sont passés là. Il n'y avait aucun. Ça met de l'huile sur le feu pareil. Puis c'est ça que je veux dire. C'est sûr que les gars, ils n'ont rien à voir, mais t'es-tu d'accord avec moi que ça met de l'huile sur le feu? Puis on la connaît, la rivalité. Quand Danny, t'arrives, t'as une équipe, tu viens à une place locale, t'alignes 3 gars tôt. OK? Ouais. T'arrives ça, en première période, tu t'embarques pas dans ce game-là, tu fais embarquer des hommes tough, ça veut niaiser à ce verse-là, ça veut comme, mettons, genre, faker, on va se battre, puis ça va pas se battre. Ben, t'arrives là, à Forestville, où t'as une foule qui peut être un peu plus houleuse, ben, ça peut arriver. Si Jonquière aurait embarqué dans le game ou dans le début, il n'aurait pas l'air, on serait même pas l'air de parler là. Mais Jonquière ont voulu faire un genre de boycott là-dessus en début de partie, il y a des messages qui sont lancés là-dessus, et voilà, ça fait que ça a comme découragé un peu les partisans. Donc, t'es en train de me dire, à quelque part, que Jonquière, pis ça, je sais, je parle à des joueurs, Jonquière, eux autres voulaient pas jouer cette game-là, pis dans le fond, c'est de leur faute, pis c'était de leur faute parce que c'est ça qui est arrivé. C'est ça que t'es en train de me dire. S'ils veulent jouer au hockey, ben, t'embarques pas tes hommes forts sur la glace. Les hommes forts ont embarqué sur la glace à peu près à 3-4 reprises, et je peux même me prendre dans une situation, Sam Gagnon était sur la glace. Il parle avec le gars, il dit on va se battre. Ils font juste semblant de tes gants, après ça, Gagnon s'enfuit. Fait que comment que ça peut paraître pour les partisans de Forestville à ce niveau-là? C'est quand même spécial pareil. Hein. T'en regardes ça, Jonquin, je sais qu'ils sont pas des anges, je suis au courant de tout ça. Il s'est passé des affaires ici même à Dolbeau, il a fallu qu'il en appelle la police. Dans Charlevoix, plutôt, il s'est passé encore des affaires. Plutôt cette saison, il s'est passé des affaires. Philippe Gauthier est venu nous faire une entrevue avant celle, puis là, il dénonçait le comportement de Jonquière. C'est sûr que c'est pas des anges loin de là. C'est peut-être même un problème dans la ligue. Ça, je l'admets avec ça. Sauf que c'est quand même particulier que là, parce que Jonquière voulait pas se battre, ben là, on les accuse de pas vouloir se battre, puis c'est encore de leur faute. C'est quand même particulier pareil. Si Jonquière voulait pas se battre, Il n'y aurait pas aligné Gagnon, Girard, puis les autres dans l'alignement. JP Lavoie. S'il n'aurait pas voulu ça. Fait qu'il faut penser à ça, là. S'il voulait juste jouer au hockey, t'embarques pas sur tes gars-là sur l'alignement. Non, c'est particulier pareil. Faut que tu vois les deux sens de la médaille dans ces situations-là. Puis comme je te dis, si on parle à plusieurs partisans là-dedans, les partisans de Forestville, puis bon, je te dirais, là, dommage, la game n'est pas filmée, mais si t'aurais vu la game, t'aurais vu que, ouais, justement, là, il y a un peu de niaisage là-dedans. Puis si on n'a pas voulu se battre, ben pourquoi d'abord en deuxième période, là, c'est commencé à voir jeter les camps, puis on a eu des battes bagarres qui s'est passé là. T'sais, fait que c'est ça, c'est la frustration qui s'est passée là-dedans. Il y a certains joueurs de l'équipe de Jonquière qui sont justement des plus provocateurs, qui ils vont, tu sais, je dirais que c'est peut-être pas, comme je dis, c'est peut-être pas les anges là-dedans. Ben, tu sais, quand tu viens provoquer, à faire de la provocation, ben là, c'est là qu'il arrive. Fait que malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, ben là, moi, je pense que ça découle un peu de ça. Mais oui, il y a d'autres facteurs aussi là-dedans, là, que. C'est quand même particulier, moi. Si Chris Nyland veut jouer au hockey, puis finalement, ça ne tente pas de se battre un soir, puis on l'accuse. En tout cas, je trouve ça un peu particulier. Ce qui s'est passé. Mais là, c'est quoi la suite des choses? Parce que là, vous êtes au courant là, que là, c'est pas beau. Là. C'est vraiment pas beau sur les. C'était jusqu'à LCN. C'est une ligue qui est très, très, très jeune en passant, qui a besoin beaucoup que les quatre. Moi, je l'ai expliqué sur les médias sociaux. Vous êtes des partenaires d'affaires avant d'être des adversaires. Tu es d'accord avec moi? Donc, c'est quoi la suite des choses? J'espère. Parce que là, la Ligue, c'est un œil au beurre noir. Là. J'espère que la Ligue va mettre des suspensions exemplaires pour plus que ça se produise. Puis, c'est quoi? Ben là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que là, suite à ça, il y a plusieurs choses. Il y a un communiqué qui est sorti cet après-midi à ce sujet-là. Le comité de discipline va se rencontrer cette semaine pour pouvoir établir un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a quatre joueurs, Jacques Sospenneau, Samuel Gagnon, Félix Giroux de Jonquière et Kevin Charest du côté de Côte-Nord sont suspendus présentement à partir de maintenant pour une période indéterminée. Et par la suite, là, il va y avoir c'est le comité de discipline qui vont décider qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Moi, par contre, c'est sûr que le message que je vais passer à mes membres du comité de discipline, c'est qu'il va falloir que vous soyez les sanctions qui vont être imposées, c'est des sanctions qui vont être sévères pour justement pour pas que ça soit produit ces choses-là. Okay. Ben, ça va être le message qu'on va passer là-dessus, puis ça va se passer là, comme je le dis, au début de la semaine. C'est sûr que les résultats sortent pas les décisions sortent pas immédiatement, dépendant comment le comité de discipline veulent gérer la situation, ils veulent parler avec les joueurs et tout. Mais mercredi soir, le comité de discipline se rencontre pour ça. OK. Gino Gagnon démissionne parce que justement, lui, il veut protéger sa réputation. Ça te dit quoi, toi, en tant que président de ligue? Puis Gino, c'est un chic type, je l'avais pas tous les jours, mais toutes les semaines. C'est un gars que j'ai eu du fun, ça me fait vraiment de la peine que je pourrais plus parler. Mais lui, il dit, j'ai une réputation, puis ce qui se passe dans la ligue du lac au fleuve, c'est contre le message que j'envoie, que j'essaie d'inculquer à mes jeunes. Ça te dit quoi, comme président de ligue? Moi, la décision appartient à Gino. Je pense que malheureusement, il a peut-être pas pu plus fort de faire du hockey comme sa réputation, comme la réputation qu'il a. Comme je te dis, là, je suis au courant de certaines choses à ce niveau-là. Je sais que Jonquière, là, présentement, sont en restructuration là-dedans. J'ai parlé avec Bob Desjardins hier soir, il m'a assuré qu'il va restructurer un peu son organisation à ce niveau-là. Puis vendredi prochain, ils vont être là contre Dolbeau au foyer des loisirs, prêts à jouer du hockey. Ils m'ont assuré qu'il allait avoir du hockey. Mais Mathieu, là-dedans, est-ce que tu comprends le message que peut-être que Gino, c'est un chic type, là, qu'il y a peut-être un travail à faire? Je sais. Oui, j'ai jamais dit le contraire. Qu'il y a peut-être un travail à faire dans les Lego. C'est pas à moi de gérer ça. C'est à l'équipe. C'est l'équipe. C'est le directeur général de l'équipe qui doit gérer son personnel entraîneur, qui doit gérer ses joueurs. Moi, mon rôle comme directeur général, c'est de gérer les opérations de la ligue. C'est de gérer les quatre équipes à s'assurer qu'on est opérationnel. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? Ça, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des autres. Fait que moi, si Gino Gagnon décide de se retirer parce que, justement, il est pas à l'aise dans la situation qui est là, c'est sa décision. Mais comme je vous dis, moi j'ai vois les autres games, là, j'ai vois Charlevoix-Jonquière, Charlevoix Haute-Côte-Nord, Charlevoix-Dolbeau, puis des situations comme ça, j'en vois pas. Non, je sais que Jonquière sera pas blanc, là. Je suis au courant de tout ça. Regarde, même si c'est l'équipe que je couvre, que je parle à toutes les que je suis la plus proche, je sais qu'ils sont vraiment pas blancs. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux pas aller partout, là. Sauf que je reviens toujours à ce que tu dis, tu règles pas un problème en mettant de l'huile sur le feu. Je pense qu'on voit qu'on n'a pas la même opinion, mais ça, c'est une manière de jouer. Mathieu, on va faire une pause, c'est le temps des fêtes, parce qu'il y a deux affaires que je veux te parler. Il y a le repêchage demain. On a fini avec ce sujet-là, le repêchage, puis il y a aussi... tu as mentionné un quotidien ce matin qu'il y a une demande d'expansion. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Mathieu Garon sur les ondes de DanRadioSport.com. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. L'équipe de la SADC. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté, puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 Boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-9494. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. On revient avec le président de la Ligue du Lac-Haut-Fleuve. On va parler de choses un petit peu plus légères maintenant. Ben, c'est quand même important. Expansion. T'as dit dans le quotidien hier que t'as une demande d'expansion. Est-ce que c'est une équipe de la région? Pour l'instant, j'ai deux demandes d'expansion. J'ai une autre demande d'expansion qui est rentrée ce matin. Pour le moment, je veux pas révéler les endroits exactement c'est où parce qu'il y a rien de confirmé. Il y a seulement eu des demandes de renseignement pour pouvoir avoir de l'expansion dans la ligue. Okay. Donc on va enclencher le processus à ce niveau-là, rencontrer les personnes intéressées, puis leur proposer les documents d'expansion et tout. Puis par la suite, on va pouvoir étudier voir si c'est possible de pouvoir ajouter deux équipes dans la ligue. Tu donnes comment? Tu donnes jusqu'à quand? Quand est-ce que ça va être fixé, ça? Oh mon Dieu, on n'est pas pressé. Là, on va finir notre première saison. Okay. Après la première saison, notre dessin de la ligue va être pas mal complété. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va au printemps, là, mais quand on arrive à l'AGA, ben on va étudier les demandes d'expansion. Puis par la suite, on va voir qu'est-ce que ça va dire. Repêchage demain. Pourquoi le deuxième repêchage? C'est-tu parce que il y a des joueurs qui avaient manqué la première inscription puis que là, finalement, on a décidé ou... Exactement. Au début de la saison, on avait statué qu'on ferait un repêchage comme le premier repêchage qu'on avait eu pour permettre aux joueurs des joueurs dans la localité où il n'y a pas d'équipe, comme Alma, la Chimie, la Baie. Donc, on avait fait un repêchage pour que ces joueurs-là puissent faire partie de la ligue en étant repêchés par une équipe. Et là, on avait statué aussi également qu'on pourrait refaire la même affaire pour justement les joueurs qui n'étaient pas trop sûrs, qui connaissaient pas, ils ne voulaient pas s'avancer dans l'aventure, ils voulaient attendre un peu comment ça allait se passer, les activités de la ligue. Donc, on a ouvert une période d'inscription là-dessus, puis le repêchage va avoir lieu là demain soir à ce niveau-là. T'es-tu Jonquin qui avait été donné que son dernier au classement qui a le premier choix, comment ça marche? Suite à la décision qu'il ait été pris le 29 novembre passé, là, c'est un joueur qui était pas éligible. Mais on a laissé Quirion à l'équipe de Jonquière à condition qu'il n'y ait pas son premier choix de repêchage comme il serait supposé l'avoir. Okay. Donc normalement là, ça va être la troisième, deuxième, première position qui vont avoir les trois premiers choix. À moins qu'il y ait des transactions qui se passent entre-temps. Mais pour l'instant, là, j'ai pas vu rien passer. T'as combien de joueurs à date d'inscrits? Pour l'instant, je pense à peu près là, je vois à peu près une quinzaine de joueurs. Mais là, on n'a pas toutes. Moi, pour ma part, je suis mes listes, mais je connais pas tous les joueurs. Fait, je sais pas si c'est des joueurs qui sont de calibre à ce niveau-là. Mais bon, c'est les directeurs généraux qui vont venir à pouvoir à évaluer tout ça. Simon Tremblay de Dolbeau, Mississini, je sais pas si ça dit quelque chose, qui joue pour les Marquis. Oui. Je l'ai eu en entrevue hier. Puis Simon, il disait que j'aurais voulu jouer dans la Ligue du Lac-au-Fleuve, mais là, il y a un règlement de la Ligue qui dit que si tu joues un match, t'es pas éligible pour jouer dans la Ligue du Lac-au-Fleuve. Sachant qu'il manque des joueurs, est-ce que ça pourrait être une possibilité? Peut-être, je sais pas, mettre 10 matchs ou... Effectivement, là, Simon Tremblay, ça avait été un cas qui avait été discuté en réunion. Notre règlement de base, c'est que tu ne peux pas jouer de match dans la Ligue nord-américaine pour pouvoir évoluer dans la Ligue. Et on a aussi un joueur ne peut pas jouer plus de 5 matchs dans la Ligue de la Mauricie pour pouvoir évoluer dans la Ligue. Donc là, je sais qu'il y a une demande de Dolbeau pour qu'on puisse augmenter le nombre de matchs là-dedans. Malheureusement, ça n'a pas passé au bureau des gouverneurs, donc ce qui fait que ça n'a pas été là. Est-ce que l'année prochaine, on va réviser la situation? Ça, je peux pas te le dire. On l'a mis règlement là, c'est juste pour être sûr d'avoir des joueurs. Tu sais qu'on a quand même une équipe, un club des clubs équilibrés. Donc qu'on ne vienne pas aller chercher trop de joueurs de la Ligue nord-américaine et tout. Je comprends que Simon, c'est un joueur qui vient de la région, c'est un excellent joueur de hockey. J'ai vu les dernières années dans la Ligue nord-américaine. Mais malheureusement, on a cette règle-là là, qu'on ne peut pas déroger. OK. Ben Mathieu, je veux que tu saches, on s'est pogné pas mal en fin de semaine. Je veux que tu saches quand même qu'on a le même objectif que toi, que j'ai le même objectif que toi. Je veux que ça marche. Puis la preuve, quelque part, les arénas sont pleines. Ici, à Dolbeau-Mississini, c'est quand même qu'il y a beaucoup de monde. C'est quelque chose qui marche. On ne voudrait pas que ça tombe. Puis la preuve, à quelque part, tu as deux demandes d'expansion. Ça veut dire qu'il y a un marché pour ça. Sauf ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est déplorable. Puis on espère grandement qu'il y aura des mesures qui vont être prises pour plus que cette situation-là se reproduise. Fait comme je dis, il y a trois points qui vont être évalués par le comité de discipline. Le comportement des joueurs qui sont montés dans le stade. Il va y avoir aussi le fait que Jonquière ait quitté le match avant la fin. Et il y a aussi le troisième point qui est la sécurité. Est-ce que la sécurité était suffisante du côté de Haute-Côte-Nord? Ben, ces trois points-là qui vont être vérifiés. Puis suite à ça, ben, il va y avoir des rectifications. Et comme je dis, on va faire en sorte que la Ligue soit ait une bonne réputation, faire en sorte qu'on est fonctionnel. Les joueurs, je parle avec les joueurs, sont contents de la Ligue, sont contents d'avoir de pouvoir continuer à jouer du hockey organisé. Donc on n'a pas l'intention de fermer la Ligue, ça c'est sûr et certain. Jonquière continue l'aventure avec nous autres. Fait que moi je travaille pour les joueurs qui veulent pouvoir jouer du bon hockey dans une ligue organisée. Fait que c'est mon objectif là, que je continue à travailler là-dessus. Okay. Mathieu Garon, on s'en reparle dans des conditions peut-être probablement un peu plus joyeuses. Il n'y a pas de problème. Le directeur général de la Ligue du Lac-au-Fleuve, Mathieu Garon.